Cinq grandes odes de Paul Claudel. Enregistré par Christiane Johan. Cinquième ode. Argument. On reproche au poète le caractère fermé de son art et son insouciance des hommes qui l'entourent. Et la femme du poète répond « Je sais que la clôture lui est nécessaire. Il est temps que toute sa vie soit ordonnée vers l'intérieur et par moi il a cet intérieur. » Et le poète répond « Ma miséricorde est d'être utile et fidèle à mon devoir. Mon devoir premier est Dieu et cette tâche qu'il m'a donnée à faire qui est de réunir tout en lui. » Contemplation de la maison fermée où tout est tourné vers l'intérieur et chaque chose vers les autres suivant l'ordre de Dieu. Ma miséricorde est à la mesure de l'univers. Elle est catholique, elle embrasse toutes choses et toutes choses lui sont nécessaires. Pour être capable de contenir, il faut que le poète lui-même soit fermé à l'imitation de l'univers que Dieu a créé, inépuisable et fini. Apprenez à être fermé comme moi. La lumière est à l'intérieur et les ténèbres sont au dehors. Souvenir de cette église fermée, jadis où le poète a trouvé Dieu, l'âme fermée et gardée par les quatre vertus cardinales, salut au siècle nouveau envers qui est mon devoir, nous n'habitons pas un désert farouche et inconnu, mais un tabernacle fermé où tout nous est fraternel. Salutations aux morts dont nous ne sommes pas séparés et qui ne cessent pas de nous être voisins. La maison fermée. Poète, tu nous trahis. Porte-parole, où portes-tu cette parole que nous t'avons confiée? Voici que tu passes à l'ennemi. Voici que tu es devenu comme la nature et ton langage autour de nous aussi privé d'attention pour nous que les collines. Nous demandions que tu achèves avec ton esprit ces choses ici qui ne sont pas complètes. Il n'arrive pas ce qu'il faudrait. Joie ou douleur, personne jusqu'au bout. Toi, raconte-nous l'histoire et fais trembler la scène sous le déchaînement de la parfaite comédie. Est-ce que tu trahis notre cause? La parole du moins était à nous. Et toi, est-ce pour cela que nous avons payé tes trimestres au lycée, afin que tu accroisses de tes runes la quantité de ces choses que nous ne comprenons pas? Plaide, toi qui tiens notre dossier. Est-ce que tu es parmi les satisfaits? Est-ce que le sort de l'homme est bon? À ta place, qui endossera la chape? Qui maintiendra l'office de notre imprécation? Mais on nous dit que tu es devenu gros et marié, et qu'éloigné de ton peuple autant que la terre le permet, sans aucun souci, tu vis tout seul comme un baron dans ta grande maison carrée, aux murs épais. Là, séparé de tout par l'éclatante blancheur du papier, pareil à la céleste liqueur qui entoure les îles Élysées, tu réunis les mains de tes muses indivisibles en ce jour des fêtes de la parole pure, née de l'esprit qu'aucune bouche humaine n'a proféré. Est-ce langage d'un homme ou de quelque bête? Car nous ne reconnaissons plus avec toi ces choses que nous t'avons apportées. Mais tu retournes et brouilles tout dans le ressac de tes vers entremêlés. Tu reprends et retournes et emportes tout avec toi en triomphe, joie et douleur confondues, dans la retraite et la rentrée et la rude ascension de ton rire. Et la gardienne du poète répond « Dieu m'a posé sa gardienne, afin qu'il rende à chacun ce qui lui est dû, l'homme à l'homme, à la femme ce qu'il tient de la femme, et à Dieu seul ce qu'il a reçu de Dieu seul, qui est un esprit de prière et de parole. Ce qu'est la clôture pour un moine est le sacrement pour lui, qui fait une seule chair de nous deux. La poutre de notre maison n'est pas de cèdre, les boiseries de notre chambre ne sont pas de cyprès. Mais goûte l'ombre, mon mari, de la demeure bénite entre ces murs épais qui nous protègent de l'air extérieur et du froid. Ton intérêt n'est plus au dehors, mais en toi-même, là où n'était aucun objet. Entends, comme une vie qui souffre division, le battement de notre triple cœur. Voici que tu n'es plus libre, et que tu as fait part à d'autres de ta vie, et que tu es soumis à la nécessité comme un Dieu inséparable, sans qui l'on ne peut pas vivre. Dis, s'il y a dans mon cœur une autre pensée que de toi seul. Voici que tu n'es plus abandonné au hasard et que tu es constitué entre les hommes et que tu ne dépends plus des autres et que tu n'as plus à chercher ton devoir au dehors mais que tu portes avec toi ta nécessité, non plus de tes bras seulement ni de ton esprit seulement, mais à mon âme la nécessité de ton âme. celle-là seule est nécessaire à qui tu es nécessaire. Que te font les hommes vagues autour de nous? Qu'as-tu à recevoir d'eux? Et qu'aurait-il à donner qui a à demander encore? L'âge vient, tu as assez longtemps erré, demeurons ensemble avec la sagesse. Comment ferait-elle ménage avec les vieux garçons chez qui il n'y a rien qui ferme? Leur cœur est tourné au dehors, mais le nôtre est tourné au-dedans, vers Dieu, dont la volonté nous a été remise comme un petit enfant. Habitons ensemble avec la parole. Tu as donné ta parole, garde-la pour qu'elle te garde, et ne va pas en faire commerce comme du vieux vêtement que l'on vend aux Cananéens. Et le poète répond, « Je ne suis pas un poète, et je n'ai aucun souci de vous faire rire ou pleurer, ni que vous aimiez ou non ma parole, mais aucune louange ou blâme de vous n'en altère la pudicité. » Je sais que je suis ici avec Dieu, et chaque matin je rouvre mes yeux dans le paradis. Jadis, j'ai connu la passion, mais maintenant je n'ai plus que celle de la patience et du désir de connaître Dieu dans sa fixité et d'acquérir la vérité par l'attention et chaque chose qui est toutes les autres en la recréant avec son nom intelligible dans ma pensée. Celui qui fait beaucoup de bruit se fait entendre. Mais l'esprit qui pense n'a pas de témoin. Et beaucoup d'agitation ne sert pas. Mais l'esprit de l'homme qui avance dans la géométrie est comparable au progrès sans aucun son d'une rivière d'huile. Je n'ai pas affaire de vous, à vous de trouver votre compte avec moi, comme la meule fait de l'olive, et comme de la plus revêche racine, le chimiste sait retirer l'alcaloïde. Oh, la joie de l'enfant qui se réveille au premier jour de ses vacances et qui s'entend appeler à grands cris par ses frères et ses cousins de l'autre chambre, et le gémissement de l'amant qui obtient le corps bestial entre ses bras de la bien-aimée après le long combat, que sont-ils auprès de cette énergie divine de l'esprit qui ouvre les yeux, recommençant sa journée et qui trouve chaque chose à sa place dans l'immense atelier de la connaissance? Et l'univers devant ce gros soleil ouvrier de l'intelligence, cependant visible, et la construction de tous les cieux éclairée avec un astre suffisant. Qu'est pour moi votre gloire humaine et ce juste laurier dont vous saignez les tempes des conquérants et des Césars, réunisseurs de la terre? Mon désir est d'être le rassembleur de la terre de Dieu, comme Christophe Colomb quand il mit à la voile. Sa pensée n'était pas de trouver une terre nouvelle, mais dans ce cœur plein de sagesse, la passion de la limite et de la sphère calculée de parfaire l'éternel horizon. Le Verbe de Dieu est celui en qui Dieu s'est fait à l'homme donnable. La parole créée est cela en qui toutes choses créées sont faites à l'homme donnable. Ô mon Dieu, qui avez fait toutes choses donnables, donnez-moi un désir à la mesure de votre miséricorde, afin qu'à mon tour à ceux-là qui peuvent le recevoir, je donne en moi cela qui, à moi-même, est donné. Ô point de toutes parts autour de moi où s'ajustent les fins indivisibles, univers indéchirable, ô monde inépuisable et fermé. C'est la vision de Saint-Pierre quand l'ange lui montra dans un linge tous les fruits et les animaux de la création afin qu'il en fît librement usage. Et moi aussi, toutes les figures de la nature m'ont été données, non point comme des bêtes que l'on chasse et de la chair à dévorer, mais pour que je les rassemble dans mon esprit, me servant de chacune pour comprendre toutes les autres, avec un être vivant mieux qu'avec du cuivre et du verre assemblés. Ainsi le chimiste, qui ne doute pas d'essayer sur sa table de bois blanc le même truc qu'il a vu réussir dans les comètes. Ô certitude et immensité de mon domaine, ô cher univers entre mes mains connaissantes, ô considération du nombre parfait à qui rien ne peut être soustrait ou ajouté, ô Dieu, rien n'existe que par une image de votre perfection. Est-ce qu'aucune de vos créatures peut vous échapper, mais vous les tenez captives par des règles aussi sévères que celles d'un cœur pénitent et avec une loi ascétique? Et vous, qui connaissez le nombre de nos cheveux, est-ce que vous ignorez celui de vos étoiles? Tout l'espace est rempli des bases de votre géométrie. Il est occupé avec un calcul éclatant, pareil aux computations de l'Apocalypse. Vous avez posé chaque astre milieur en son point, pareil aux lampes d'or qui gardent votre sépulture à Jérusalem. Et moi, je vois tous vos astres qui veillent, pareils aux dix vierges sages à qui l'huile ne fait pas défaut. Maintenant, je puis vous dire mieux que le vieux Lucrèce, vous n'êtes plus, ô terreur de la nuit, ou plutôt comme votre saint prophète, et la nuit est mon exultation dans mes délices. Réjouis-toi, mon âme, dans ces vers ambrosiens. Je ne vous crains point, ô grande créature céleste. Je sais que c'est moi qui vous suis nécessaire, et je me tiens comme un pilote dans vos feux entrecroisés. Et je vous ris aux yeux comme Adam aux bêtes familières. Toi, ma douce petite étoile entre les doigts de ma main, comme une pomme cannelle, pas une chose qui ne soit nécessaire aux autres, et toutes vous êtes en ma possession, comme un banquier qui de son bureau de Paris fait argent avec l'écriture des gommes de la Sénégambie et de la pelletée de minerais sur le carreau de la mine antarctique et de la perle des pomotous et du grand tas de laine mongole. Mon Dieu, qui m'avait conduit à cette extrémité du monde où la terre n'est plus qu'un peu de sable et où le ciel que vous avez fait n'est jamais dérobé à mes yeux, ne permettez point que parmi ce peuple barbare dont je n'entends point la langue, je perde mémoire de mes frères qui sont tous les hommes, pareils à ma femme et à mon enfant. Si l'astronome, le cœur battant, passe des nuits à l'équatorial, épiant avec la même poignante curiosité le visage de Mars qu'une coquette qui étudie son miroir, combien plus ne doit pas être pour moi que la plus fameuse étoile, votre enfant le plus humble, que vous fîtes à votre image. La miséricorde n'est pas un don molle de la chose qu'on a en trop. Elle est une passion comme la science, elle est une découverte comme la science de votre visage, au fond de ce cœur que vous avez fait. Si tous vos astres me sont nécessaires, combien davantage tous mes frères ? Vous ne m'avez pas donné de pauvres à nourrir, ni de malades à penser, ni de pain à rompre, mais la parole qui est reçue plus complètement que le pain et l'eau et l'âme soluble dans l'âme. Faites que je la produise de la meilleure substance de mon cœur, comme une moisson qui va poussant de toutes parts où il y a de la terre, des épis jusqu'au milieu de la route, et comme l'arbre dans une sainte ignorance qui lui-même n'attend pas gloire ou gain de ses fruits, mais qui donne ce qu'il peut, et que ce soit les hommes qui le dépouillent ou les oiseaux du ciel, cela est bien. Et chacun donne ce qu'il peut, l'un le pain et l'autre la semence du pain. Faites que je sois entre les hommes comme une personne sans visage, et ma parole sur eux sans aucun son, comme un semeur de silence, comme un semeur de ténèbres, comme un semeur d'église, comme un semeur de la mesure de Dieu, comme une petite graine dont on ne sait ce que c'est, et qui, jetée dans une bonne terre, en recueille toutes les énergies et produit une plante spécifiée, complète avec ses racines et tout. Ainsi le mot dans l'esprit. Parle donc, ô terre inanimée, entre mes doigts. Faites que je sois comme un semeur de solitude, et que celui qui entend ma parole rentre chez lui, inquiet et lourd. Comment Dieu entrera-t-il dans ton cœur s'il n'y a point de place, si tu ne lui fais une habitation ? Point de Dieu pour toi sans une église, et toute vie commence par la cellule. Ou qui mettra une liqueur dans un vase qui fuit ? Ô mon Dieu, je me rappelle ces ténèbres où nous étions face à face, tous les deux, ces sombres après-midi d'hiver à Notre-Dame, moi tout seul, tout en bas, éclairant la face du grand Christ de bronze avec un cierge de 25 centimes. Tous les hommes alors étaient contre nous, et je ne répondais rien, la science, la raison. La foi seule était en moi, et je vous regardais en silence comme un homme qui préfère son ami. Je suis descendu dans votre sépulture avec vous, et maintenant, où sont ces puissants qui nous écrasaient ? Il n'y a plus que quelques masques obscènes à mes pieds. Je n'ai point bougé, et les limites de votre tombeau sont devenues celles de l'univers. Comme un homme qui, avec son cierge qu'il penche, allume toute une procession, voici qu'avec cette mèche de 4 sous, j'ai allumé autour de moi toutes les étoiles qui font, à votre présence, une garde inextinguible. La poutre de notre maison n'est pas de cèdre. La boiserie de notre chambre n'est pas de cyprès. et le réduit où nous recevons le Seigneur croît plus silencieusement en nous que le temple de Salomon qui fut construit sans aucun bruit de la hache et du marteau. Entends l'Évangile qui conseille de fermer la porte de ta chambre, car les ténèbres sont extérieures, la lumière est au-dedans. Tu ne peux voir qu'avec le soleil, ni connaître qu'avec Dieu en toi. Fais entrer toute la création dans l'arche comme l'ancien Noé, dans cette demeure bien fermée de la parabole, où le père de famille, à l'importun qui frappe dans la nuit pour demander trois pains, répond qu'il repose avec ses enfants profonds et sourds. Soyez bénis, mon Dieu, qui ne laissez pas vos œuvres inachevées, et qui avez fait de moi un être fini à l'image de votre perfection. Par là, je suis capable de comprendre, étant capable de tenir et de mesurer. Vous avez placé en moi le rapport et la proportion une fois pour toutes, car un chiffre peut être changé, mais non pas le rapport de deux chiffres. Là est la certitude. Vous avez fait de mon esprit un vase inépuisable comme celui de la veuve de Sarepta, non point pour moi seulement, mais pour tout homme qui veut y mettre la lèvre, comme le japonais qui, à mesure qu'il boit, voit se découvrir peu à peu le grand paysage natal dans la concavité du bol et le Fuji neigeux sur le bord qui s'élève à mesure que la liqueur s'abaisse et l'horizon complet avec le breuvage épuisé. Poète, j'ai trouvé le maître, je mesure l'univers avec son image que je constitue. Ô cieux, laissez-moi reconnaître en moi comme en vous le nord et le couchant, le midi et l'est, non point comme ils sont blasonnés sur votre poêle avec la figure des astres éternels, mais mes quatre portes ainsi qu'une forte cité gardée par les volontés immuables. Jadis, j'ai célébré les muses intérieures, les neuf sœurs indivisibles. Mais voici que dans cette maturité de mon âge, j'ai appris à reconnaître les quatre assises, les quatre grandes extérieures, selon qu'au pays de Bode et de Saint, dans les temples, on voit les gardiens des quatre plages du ciel sous un déguisement horrible. Je chanterai les grandes muses carrées, les quatre vertus cardinales orientées avec une céleste rectitude, celles qui gardent chacune de mes portes, la prudence, la force, la tempérance, qui est celle-là entre les trois autres, la justice. Elles sont pareilles à la statue de Rome ou de la mer Cybèle. À travers le soleil ou le brouillard, je vois éternellement à leur place ces quatre faces formidables. Telle que l'antique Égypte tailla l'image de ses premiers types de l'humanité, l'auguste visage de ses enfants des dieux, Titan et Sem. La prudence est au nord de mon âme comme la proue intelligente qui conduit tout le bateau, et elle regarde tout droit en avant et non point de côté ou en arrière, car c'est en avant que nous allons, et les choses qui sont de côté, et en arrière, elles sont en arrière. Il n'y a en elle ni regret, ni mémoire, ni curiosité, mais seulement le devoir dévorant et la transe de la direction rectiligne, comme le chauffeur à toute vitesse dans la nuit qui couvre tout là-bas pendant des heures la petite lampe blanche au fond de la vallée. Ni la neige ne masque le dur visage, ni le gel ne coule les paupières inflexibles, ni aucun nuage ne voile le pôle. La force est au midi, là où il n'y a plus des murailles, mais seulement quelques palissades rompues et la terre foulée par l'incessante lutte pied à pied, pareil à ce sûr Thébain sur qui l'œil du chef tomba quand il répondit au messager qui racontait qu'à Panée, qui choisirons-nous contre ce contempteur des dieux ? Elle est assise sur le roc inébranlable. La tempête et le soleil lui ont mangé le nez, la fumée de la guerre lui a noirci le visage. On ne voit plus que les yeux comme ceux d'un lépreux dans la ponce de la face corrodée. Mais la main droite tient la foudre, la main gauche étrangle le serpent, elle écrase sous son pied le calmar et le crocodile, et contre la large poitrine vient se rompre la charge de l'éphrite et du diable sanglotant. Tous les vents mauvais soufflent sur sa face. Le vent du sud, pareil à l'exhalation de l'enfer, et le vent mouillé du sud-ouest, qui souffle sur Paris à l'époque du carnaval, et le premier souffle de la mousson d'été, pareil à une femme suante et nue. Ô les détroits de Malaisie, où roule un arbre noir couvert d'oiseaux, détroits de Banda, mer de Sulu, où naviguaient les vieilles ourques hollandaises, grosses et dures comme une noix vernie. Oh, les premières gouttes de l'averse qui roulent dans la poussière de la pluie de l'équateur, pareilles à du rhum tiède. Mais toutes les puissances de l'air ne valent pas contre la pierre invincible. La tempérance garde l'Orient, elle regarde les portes du soleil. C'est à elle qu'on montre les grands mystères purs et la naissance même du jour et de la nuit, car elle a des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre et une bouche qui est pour ne pas parler. Elle résiste des deux côtés. Entre le monde et la cité, elle est la médiatrice. Entre l'homme et la terre, entre le désir et le bien, elle est la barrière interposée. Elle est celle qui reçoit, qui élimine et qui exclut. Elle est la mesure créatrice, elle est la forme de l'être, elle est la règle de vie, la pince aux sources de la vie qui maintient l'exacte tension, comme la clé de la viole, comme l'âme de l'archilute. Elle est, en nous, la continuation de la mère. Elle sait ce qu'il nous faut, elle est mandataire de notre destinée. Elle est la conscience infaillible et le goût suprême du poète supérieur à l'explication. Elle est cela en nous qui nous maintient avec un art secret, au milieu de tout changement, le même, ouvrière de l'accord imperturbable, et cela en nous qui conserve à la manière de Dieu quand il crée. La justice regarde l'Occident, et ce ciel rayé est le sien, lorsque les sept rayons du soleil, traversant l'immense azur déblayé, se réunissent à l'autre point du diamètre. À ses pieds, la grande plaine fertile et irriguée, les canaux bordés de mûriers, et dans la haute moisson verte, les villages qui fument par dizaines. Elle considère la terminaison de toutes choses, et le jour, quand il se consomme dans la couleur de la flamme et du sang, ce jour qui est le sixième, celui qui précède le sabbat et qui suit les cinq premiers. Elle acquitte mes comptes, elle règle pour moi ce qui est dû, car comment saurais-je ce que je dois, et quel échange y a-t-il si je rends la même chose que je reçois? Comme le vicaire à la sacristie qui reçoit l'argent des messes entre la matière et l'esprit, entre la campagne et la ville, elle préside à de mystérieux commerces. Car d'une part, toute la nature sans moi est vaine, c'est moi qui lui confère son sens. Toute chose en moi devient éternelle en la notion que j'en ai. C'est moi qui la consacre et qui la sacrifie. L'eau ne lave plus seulement le corps, mais l'âme. Mon pain, pour moi, devient la substance même de Dieu. Comme un homme en hiver qui émiette à deux mains un gros morceau de pain pour les petits oiseaux, c'est ainsi qu'avec les prières de mon rosaire plein les mains, je nourris les âmes du purgatoire. D'autre part, je sais que toute chose est bénie en elle-même et que je suis béni en elle. Car l'homme, héritier des cinq jours qui l'ont précédé, reçoit sur sa tête leurs bénédictions accumulées. Il est comme Jacob, qui se couvrit d'une peau de chevreau pour recevoir l'imposition des mains croisées de son père. Il est le désiré des collines éternelles, il recevra la bénédiction de l'abîme subjacent, la bénédiction des mamelles et de la vulve. La bénédiction sur son front sera fortifiée de la bénédiction de ses pères. Salut, aurore de ce siècle qui commence, que d'autres te maudissent, mais moi je te consacre sans frayeur ce chant, pareil à celui qu'Horace confia à des cœurs de jeunes garçons et de jeunes filles, quand Auguste fonda Rome pour la seconde fois. À la place de tant de saintes églises qui tombent la face contre terre, ainsi, jadis dans cette ville impie de la Bourgogne, j'ai vu la statue abattue de Notre-Dame, gisante, la face contre terre sous la neige, suppliante pour l'iniquité de son peuple, de tant d'asiles ouverts par la pioche qui ne sait ce qu'elle fait. Voici de nouveau pour nous une maison pour faire notre prière, un temple nouveau dont la rage de Satan n'éteindra point les lampes, ni ne sapera les voûtes adamantines. Pour la clôture de Solesmes et de Ligugé, voici une autre clôture. Je vois devant moi l'Église catholique qui est de tout l'univers. Ô capture, ô pêche miraculeuse, aux millions d'étoiles prises aux mailles de notre filet comme un grand butin de poissons à demi sortis de la mer dont les écailles vivent à la lueur de la torche. Nous avons conquis le monde et nous avons trouvé que votre création est finie, et que l'imparfait n'a point de place avec vos œuvres finies, et que notre imagination ne peut pas ajouter un seul chiffre à ce nombre en extase devant votre unité. Comme jadis, quand Colomb et Magellan eurent rejoint les deux parts de la terre, tous les monstres des vieilles cartes s'évanouirent, ainsi le ciel n'a plus pour nous de terreur, sachant que si loin qu'il s'étend, votre mesure n'est pas absente. Et nous considérons vos étoiles au ciel paisiblement comme des brebis pleines et comme des ouailles paissantes, aussi nombreuses que la postérité d'Abraham. Comme on voit les petites araignées ou de certaines larves d'insectes comme des pierres précieuses bien cachées dans leurs bourses d'ouates et de satin, c'est ainsi que l'on m'a montré toute une nichée de soleil, encore embarrassés au froid pli de la nébuleuse. C'est ainsi que je vous vois, tous mes frères, dans la boue et sous le déguisement, pareils à des étoiles souffrantes. Tout est à moi, catholique, et je ne suis privé d'aucun de vous. La mort, au lieu de vous obscurcir, vous dégage comme une planète qui commence son éternelle orbite. Parcourant des aires égales en des temps égaux, selon l'ellipse dont le soleil que nous voyons reporte un seul des foyers. Je vous salue, firmament de tous les morts, comme une planète qui est réduite pour nous à sa lumière et à son mouvement mathématique. Heureuses âmes, nous ne voyons plus de vous que cette quantité de la gloire de Dieu que vous reflétez, suspendue dans l'extase de la parfaite pauvreté, comparable à la raréfaction de l'espace astronomique. Saintes âmes, puissais-je un jour être comme le dernier parmi vous? Votre gloire est notre salut. Celui-là est fait bien à qui le bien est fait, et rend le plus de lumière qui en reçoit davantage, usant de ces divers moyens que Dieu lui donne, soit la richesse, soit la pauvreté, soit l'intelligence, soit le loisir, soit le travail, selon la loi imposée à tous les animaux de chercher leur vie. Tournons nos yeux vers le ciel qui est déjà fait, ô mes frères de ce ciel en travail, car depuis les jours de celle de Bethléem, nos ténèbres sont en mal d'étoiles. Et je sens autour de moi dans la nuit de grands êtres purs, plus radieux que Sirius, et de profonds mouvements ensemble d'âmes élues, pareilles à l'amas stellaire de l'Hercule et à des tronçons de voies lactées. Un peu de lumière est supérieure à beaucoup de ténèbres. Ne nous troublons point de ce qui est hors de nous. Ne jugeons point de peur d'être jugés. Ne maudissons point le présent qui est avec nous comme notre éternité. Tel le moine qui rentre dans son couvent dévasté et lui paraît tout aussi beau sous la cendre et le cilice que le jour de la dédicace, lorsque le clocher de 100 pieds comme un mât de navire se dressait dans le soleil plus clair que le vin, avec ses 4 cloches de bronze neuf, jaunes et pures comme délices. Car que lui manquerait-il dès là qu'il a son livre et un supérieur au-dessus de lui? Et le voici de nouveau qui s'assied, ayant fait le signe de la croix, et qui, pour le bien copier, étalant devant lui l'évangile à la première page, recommence l'initiale d'or sur le diplôme de pourpre. Et maintenant que, selon le rite, j'ai salué le ciel et la terre et les vivants, comme l'officiant qui fait une pause dans l'invocation, cependant que les trompettes se taisent, et l'on n'entend que la graisse et la chair des victimes qui crépitent sur les charbons ardents aux 4 coins de l'esplanade dans l'heure de midi. Je me retournerai vers les morts, je n'omettrai pas le plus vieux devoir humain, reliant ma parole soufflante à ces bouches éteintes. Serons-nous plus impies que les païens qui ne croyaient pas qu'ils pussent cesser de faire du bien aux morts, et ceci de même à eux? Nous ne sommes pas des fils de chiens et de bêtes brutes, et nos pères ne sont point des ombres vaines sur la route. Mais nous sommes sortis de leur chair réelle et de leur âme réelle, et la vérité ne sort point du mensonge, et ce qui est vérité ne devient point songe et mensonge. Voici que je puis leur offrir une nourriture meilleure que des baguettes d'encens et du vin chaud et de la viande hachée dans des bols pour des bouches étroites. Goûtez, ô manne, les prémices de nos moissons. L'ange de Dieu, une fois par an, s'en va prendre le ciboire d'or sur l'autel et se dirige vers le peuple défunt. tel qu'un prêtre vêtu d'une chasuble d'or qui, précédé de l'acolyte avec un cierge, s'en va vers la barre de communion avec un ciboire tout rempli et débordant de nos bonnes œuvres consacrées par Dieu, de nos suffrages et de nos mortifications et de nos chapelets récités et de messes offertes, telles que de blanches hosties et une petite étoile éclatante entre ses doigts. Ainsi, par un sombre matin de Noël, j'ai vu rang après rang la foule des macaïstes et des femmes chinoises, la tête couverte de longs voiles noirs qui ne laissaient voir que la bouche se presser à la table de communion. Écoutez le cri pitoyable des morts. J'entends la foule innombrable des défunts se pressant autour de moi comme une mère qui demanderait pitié. Ayez pitié de nous, vous du moins, nos amis. N'ayez point horreur de nous à cause de notre dénûment, car la chair même de notre visage a disparu, et il ne nous reste plus que les dents autour de la bouche. Fils de nos os chrétiens, aie compassion de notre pourriture, dont Dieu a dit qu'elle est ta mère et tes frères. Vois, nous t'avons laissé notre terre et nos biens. N'aurons-nous pas une miette de ta table, une goutte d'eau de ton verre? Des larmes vaines, un bref sanglot, et tout est oublié. Et l'homme de ma paix qui mangeait le doux pain avec moi a magnifié sur moi sa supplantation. Ô vivant, qui peut encore mériter? Ô possesseur d'inépuisables richesses, pour nous, nous endurons le feu et le cachot, et la poutre de notre maison n'est pas de cèdre. Priez pour nous, non pas afin que notre souffrance diminue, mais pour qu'elle augmente, et que finisse enfin le mal en nous et l'abomination de cette résistance détestée. Mais déjà l'ange, aux paupières baissées, se dirige vers le peuple défunt, avec le vase d'or qu'il a pris sur l'autel, tout rempli des prémices de la moisson terrestre, le custode seulement, et non point la coupe, car nous ne goûterons point de ce fruit de la vigne, avant que nous le buvions nouveau dans le royaume de Dieu. Tianxin, 1908.